arrivée se dit... Bon, ça vous pouvez le deviner. Pour ce qui est du vocabulaire, il vocabulario, vous pouvez essayer de deviner les mots. Et si vous vous trompez et qu'on ne vous comprend pas, vous pouvez toujours recommencer. C'est comme au tennis. Si vous mettez la balle dans le filet, on vous accorde un deuxième service. Alors, comment diriez-vous arriver, le verbe arriver? Arrivare. Arrivare, arrivare. Autre exemple, appeler dans le sens de téléphoner. Comment dit-on appeler en italien? Chiamare. Chiamare, oui. Mais si vous ne savez plus, vous pouvez dire aussi telefonare. Téléphoner. Telefonare. Revenons au verbe arrivare. Comment diriez-vous à quelle heure arriverez-vous demain matin? À che ora? À che ora arriverez-vous? Arriverà? Demain matin. Domani mattine. Mattina. Voilà, oui. À che ora arriverà domani mattina? À che ora arriverà domani mattina? Et si vous vouliez traduire « je ne le ferai pas », que diriez-vous? Non lo farò. Bien, non lo farò, non lo farò. Et comment diriez-vous « nous ne le ferons pas » ? Non lo faremo. Voilà, non lo faremo. Et vous ne le ferez pas? Non lo farà. Bien, non lo farà. Maintenant, vous allez dire « je ne le ferai pas parce que je ne pourrai pas le faire ». Non lo farò perché... Je ne pourrai pas le faire. Non potrò farlo. Bien, non lo farò, je ne le ferai pas, perché, parce que... Non potrò, qui vient de potere, je ne pourrai pas farlo, le faire. Non lo farò perché non potrò farlo. Comment dit-on je veux le faire? Voglio farlo. Oui, voglio farlo. Et je veux l'avoir? Voglio averlo. Oui, voglio averlo. Au lieu de voglio, on peut dire aussi desidero. Desidero, qui ressemble beaucoup à je désire. Desidero s'emploie plus que je désire. Ça peut vouloir dire aussi je souhaite. Desidero. Je souhaite vraiment l'avoir. Desidero proprio averlo. Ensuite, il y a l'emploi de désirer qui est fréquent en France. Et aussi en Italie. Par exemple, dans un ristorante où on vous demandera peut-être « Que désirez-vous ? » Comment diriez-vous ça ? Che cosa ? Desidera ? Oui, « Che cosa desidera ? » Prendre se dit « prendere » au sens habituel de « saisir ». Mais aussi pour tout ce qui est nourriture ou boisson. Prendere, qui s'écrit comme prendre, mais avec un E en plus après le D. Prendere. Donc, par exemple, si vous voulez demander à quelqu'un qu'est-ce que vous voulez ou qu'est-ce que vous désirez prendre? Che cosa prenda? Prende? Prende, oui. Che cosa prende? Sauf que là, vous avez dit qu'est-ce que vous prenez? Et non pas qu'est-ce que vous voulez ou qu'est-ce que vous désirez prendre. Che cosa vuole prendere? Oui, che cosa vuole prendere? Ou au lieu de vuole, che cosa? Desidera. Voilà, che cosa desidera? Prendere? Voilà. Che cosa desidera prendere? ou tout simplement Che cosa desidera? Que désirez-vous? Che cosa desidera?